Stephen King aime les légendes urbaines, Stephen King aime la numérologie, Stephen King a écrit 1408 et Michael Avstrom l'a adapté. Bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Comme d'habitude, je suis avec Chris. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, très bien. Content d'aborder 1408 ? Très content. C'était toi qui me l'avais fait découvrir il y a quelques mois. Ah, ce qui concerne le film, en tout cas. Ouais, j'ai été content de m'y réintéresser. C'est très drôle parce que tu avais lu la nouvelle mais pas vu le film, et moi c'était l'inverse. Oui, t'as lu la nouvelle à l'occasion de cet épisode, c'est ça ? C'est ça, alors que j'avais déjà vu le film sorti en salle à l'époque. Je propose qu'on y aille tout de suite. Eh ben allons-y. Alors, comme d'habitude, nous allons spoiler la nouvelle et le film, donc si vous ne les avez pas lus et que vous ne voulez rien savoir, arrêtez-vous là et revenez nous voir ensuite. Surtout oui. C'est parti. « 1408 » nous raconte l'histoire de Mike Enslin, un écrivain cynique qui, pour survivre, écrit des livres de légendes urbaines du style « Les 10 plus grands hôtels hantés »,« Les 10 plus grandes maisons hantées du monde ». « Grand cimetière ». Oui. Lui n'y a jamais cru, il fait ça de manière totalement cynique et totalement blasée. Totalement pécuniaire. Voilà. Mais un jour, il va dans la chambre 1408 d'un hôtel new-yorkais, et le gérant de l'hôtel le prévient et semble vraiment croire qu'il se passe quelque chose dans la chambre. Et quand Mike y va enfin, effectivement, la chambre semble réellement démoniaque et semble réellement avoir un effet très néfaste sur son mental. Ça vire cacao. Alors la nouvelle, au début, ça ne devait être qu'un exercice qui devait servir dans Écriture, mémoire d'un métier, pour montrer le processus du deuxième jet d'un manuscrit. Donc dans Écriture, vous avez le premier manuscrit, le premier jet, puis les corrections que King a apportées à la main à son manuscrit. C'est assez intéressant à lire. Donc on en trouve les premières pages avec ses annotations. Il ne pensait pas la finir, vu qu'il avait déjà fait un livre dans un hôtel hanté, c'était Shining. Il se disait « bon, bah ça suffit, je vais pas en refaire un ». Mais il s'est intéressé à son personnage principal, il s'est intéressé au fait que quelqu'un d'aussi cynique, qui ne croit en rien de fantastique, se retrouve réellement dans une situation horrifique, réellement face à quelque chose que la science et la raison ne peuvent pas expliquer. Donc il a fini de l'écrire, elle a été publiée pour la première fois dans Blood and Smoke, un audiobook qui comprenait trois nouvelles que King lisait lui-même, les deux autres c'était Déjeuner au Gotham Coffee et Salle d'exécution, et les trois nouvelles ont ensuite été recueillies dans Tout est fatal en 2002. Alors après, comme souvent avec les nouvelles, on ne sait pas grand-chose de plus. C'est King met bien un petit mot au début du recueil, mais c'est à peu près tout. Donc on va pouvoir tout de suite passer à nos avis. Chris, qu'as-tu pensé de cette nouvelle ? Très bonne nouvelle qui déjà commence avec la mise en place d'un long dialogue entre le maître d'hôtel All-In et Mike. On l'a déjà dit dans des précédents épisodes, King, c'est globalement un très bon dialoguiste, et il se trouve que là, le dialogue fonctionne très bien. On y reviendra, mais c'est pareil dans le film, d'ailleurs. Et une fois dans la chambre, bah, c'est pareil, l'ambiance est vraiment bien travaillée, les différents éléments que produit la chambre dans le film sont très visuels, alors que là, dans la nouvelle, ils sont très sur le ressenti du personnage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la nouvelle brode est fait des trucs visuels, parce que ça aurait été compliqué d'adapter vraiment ce que le personnage ressent. C'est-à-dire, avant qu'il rentre dans la chambre, il se rend compte que, bah, c'est bizarre, la porte de la chambre paraît pas droite. Oui. Mais ouais, en film, ça aurait été, bah, c'est un petit peu ridicule comme idée en film. Alors que là, vraiment, il est focus sur ça. Nous-mêmes, on sait pas trop pourquoi il est focus sur ça, on a l'impression que déjà la chambre commence à le manipuler. Il se retourne un peu, il voit que la porte redevient normale, puis elle se remet dans pas droite, et ainsi de suite. Et pareil, c'est pareil pour tous les phénomènes qui vont se produire dans la chambre. Non, vraiment, il y a un gros travail sur l'ambiance. Oui, bah, je trouve que la nouvelle est divisée en deux parties assez nettes. Il y a d'abord la discussion avec Colin qui occupe une bonne moitié, parce que sur 60 pages, elle en fait 30. Et là, c'est très structuré, on a vraiment tout le détail, ça prend bien son temps. Et après, la partie dans la chambre, qui effectivement se base sur le ressenti de Mike, est beaucoup plus elliptique. On a l'impression que c'est son ressenti, mais dans les souvenirs qu'il en a après coup, peut-être en réécoutant aussi son enregistreur, mais on sent qu'il manque des éléments, il est censé être resté à peu près 70 minutes dans la chambre. mais on n'a pas tout parce que ça dure à peu près 18 pages et on sent que c'est des espèces de points d'impression mais qui sont pas forcément reliés entre eux. Il y a des choses qui manquent, ça donne un côté très mystérieux et je trouve que ça rajoute limite à l'angoisse parce que on doit remplir tous ces vides en se demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a ressenti entre tout ça, qu'est-ce que ça veut dire telle ou telle sensation, est-ce que c'est réel ou pas. Que ce soit Mike ou même nous le lecteur, on sait pas trop en fait ce qui lui est arrivé dans cette chambre. Oui. C'est très particulier ce que King a fait, c'est une narration très éclatée en fait. Et c'est une qualité parce que on a passé 30 pages à nous prévenir du danger de la chambre, donc c'était difficile après de tenir le niveau, de faire quelque chose qui soit à la hauteur, et je trouve que ça a été un choix plutôt judicieux pour une nouvelle de faire comme ça. Et même dans le descriptif fait par Olin avant de rentrer dans la chambre, même son descriptif de la chambre en elle-même est inquiétante, c'est-à-dire que le personnage de Mike s'interroge, bon, les fantômes j'y crois pas, et directement Olin le prévient, non mais je vous parle pas de fantômes là, c'est la chambre en elle-même, mais en... lui-même ne pourrait pas décrire ce qui est la chambre. On ne sait pas si elle est vraiment hantée, si la chambre est démoniaque en elle-même. On sait que King aime bien foutre des présences démoniaques dans des objets. On le verra plus tard avec Christine, un jour ou l'autre. Mais et dans d'autres nouvelles, d'ailleurs. Mais ouais, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'est la chambre. Et ça ajoute à l'aspect très mystérieux, très angoissant, en fait, de ce lieu. Oui, parce que Olin n'a jamais trop osé y entrer. Il le dit lui-même, dès qu'on la nettoie, on fait le minimum. On fait ça par équipe, on y reste le moins longtemps possible. Je reste à surveiller tout le temps pour être sûr que ceux qui nettoient sont pas en train de se faire manipuler par la chambre et de partir en vrille, parce qu'on a eu des problèmes avec ça aussi. Mais sans rentrer dans la chambre, toujours en restant vraiment... Oui, lui, il reste toujours sur le pas de la porte. Ce qui est intéressant aussi dans cette première partie, c'est que je trouve qu'elle entretient un peu quand même les doutes aussi du lecteur, parce qu'elle a un côté très légende urbaine, mais telle qu'elles peuvent circuler des fois. Il y a déjà le côté numérologie, quand additionne les chiffres de la chambre, 1, 4, 0, 8, t'obtiens 13, et ça paraît très cliché de légende urbaine. Il y a aussi le fait que dans les hôtels, l'étage 13 n'existe pas, donc du coup la chambre se trouve au 13e étage en vrai. Ouais, voilà, et que je crois qu'il y a des hôtels qui en effet évitent d'avoir des numéros de chambre qui font 13 quand on fait le total. Ce n'est pas le cas de mon hôtel d'ailleurs, il existe une chambre 814. D'accord. Est-ce qu'il existe une chambre 1408 ? Non. C'est dommage. Et il y a cette idée que Olin, en effet, ne connaît pas très bien la chambre, donc on peut se dire, il parle par on dit, il s'est laissé manipuler par l'angoisse générale, surtout dans le livre, il est quand même décrit comme un mec un peu vieux, petit, obèse, on peut se dire, c'est le mec qui se laisse facilement impressionner, à qui on a dit depuis qu'il est dans cet hôtel que la chambre est hantée, et qui a jamais cherché à remettre ça en doute. Oui, et puis vu qu'on est dans les pensées de Mike, et que Mike remet sans arrêt en question la parole d'Olin, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on se demande, est-ce que Olin dit la vérité, ou est-ce qu'il ment ? Oui, ou est-ce qu'il pense dire la vérité oui, sans que ça le soit. C'est plutôt ça, je pense. Enfin, c'est plutôt ça que je me suis dit, moi. J'aime bien aussi, il y a un petit côté Lovecraft, je trouve, dans la deuxième partie, avec justement ce démon qui donne l'impression que c'est juste le fait d'entreapercevoir la chambre qui crée la folie du personnage. C'est assez Lovecraftien. Oui, c'est très les montagnes hallucinées. Oui. Dans l'esprit. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, pour moi, c'est une excellente nouvelle qui fonctionne très bien. C'est niveau ambiance, ça fait partie typiquement du genre de nouvelle que je pourrais conseiller à quelqu'un qui a jamais lu de King et qui voudrait quelque chose pour se convaincre de l'efficacité de l'auteur rapidement. Et puis, bon, disons que le seul truc qui manque de la nouvelle, et encore, c'est pas vraiment une tare, parce que c'est pas le sujet, c'est le développement de personnage. Mais ça, on y reviendra, le film s'en occupe très bien. Ouais, et puis dans la nouvelle, on va dire que ça fait 60 pages, donc c'est une absence qui est compréhensible, il n'aurait pas eu le temps de le faire. Oui, voilà. C'est pas le propos, finalement. C'est ça. Donc oui, une excellente nouvelle, sur laquelle je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Non, non plus. Et donc, nous allons tout de suite passer au film. Après la mort de sa fille Cathy, pour Mike Ensslin, l'au-delà devint une obsession. Mais après des années de recherche, il ne croit plus en rien. Alors pour vous, ça n'existe pas les fantômes? En tout cas, aucun n'est venu me voir. Rien ne saurait me faire plus plaisir que de vivre un phénomène paranormal. Gérald Olin, directeur du Dolphin. Je voudrais juste la clé de la 1408. Depuis 95 ans que cet hôtel existe, on a constaté 56 décès dans la chambre 1408. 56? Personne n'a tenu plus d'une heure. La première victime, Monsieur Kevin O'Malley. S'est tranché la gorge. Ne restez pas dans cette chambre. scène n'a tenu plus d'une heure. Il pourra faire mieux que ça, allez ! Ce que je voyais en elle n'est pas aussi réel qu'il n'y paraît. Oh, après une histoire de Stephen King. Est-ce que tu as oublié les flics ? Ils sont dans la 1408, la chambre est vide. Je vais mourir. Je vous avais déconseillé la 1408. Chambre 1408. Un film de Michael Armstrong. Les droits de la nouvelle sont acquis en novembre 2013 par Dimension Films, une filiale de Miramax, donc la société des frères Weinstein, une filiale spécialisée dans les films de genre, donc les deux frères sont cités comme producteurs sur le film. Matt Greenberg est engagé pour écrire une première version du scénario, c'est un habitué de Dimension Films puisqu'il a travaillé sur Halloween 20 ans après et sur Mimic, en correcteur non crédité, et on le retrouvera aussi puisqu'il a travaillé, toujours sans être crédité, sur Les Démons du Maïs 3 et sur Cimetière 2019, cette fois-ci il est cité au générique apparemment. Des films qu'on n'a pas encore traités. Non. Et mais dans ce que j'ai vu, sur quoi il a travaillé, on peut pas dire que ce soit particulièrement brillant pour le moment. En octobre 2005, Michael Avstrom est engagé pour réaliser le film, et les scénaristes Scott Alexander et Larry Karaszewski pour le réécrire lourdement, donc avec la collaboration d'Avstrom. Il insiste pas mal dessus dans le commentaire audio, il supervisait pas mal les réécritures, et il a peut-être fait aussi 2-3 trucs sans être crédité. Avstrom, c'est un réalisateur suédois dont les premiers films connaissent un certain succès, il y en a un qui s'appelle On Scan, qui est même nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger, par contre j'en ai vu aucun. Son premier film américain, c'était déjà chez Miramax, c'était Dérapage en 2005, ça a pas super bonne réputation. Et le réalisateur l'évoque brièvement dans le commentaire audio de 1408 en disant qu'il le considère pas forcément comme un mauvais film, mais comme un film totalement impersonnel sur lequel il a plus été un employé qu'autre chose, donc il était content d'avoir plus d'impact sur 1408. Et son dernier film en date, c'est Évasion avec Stallone et Schwarzenegger, je crois que tu m'en avais pas dit beaucoup de bien. Qui est très très mauvais. D'accord. Voilà. Il me donne envie quand même, hein. Je pense que je le verrai un jour. Bah, c'est rigolo de voir la réunion de ces deux gros poids lourds pour un long temps à l'écran, parce qu'on les avait déjà vus ensemble sur Expandable, mais sur un petit temps d'écran pour Schwarzy. Oui. Dans Expandable, alors que là, vraiment, bah, c'est eux les deux têtes d'affiche. C'est le côté rigolo du film, mais sinon ça va pas plus loin. Dommage. Et les scénaristes, Scott Alexander et Larry Karaszewski, c'est deux scénaristes qui sont très habitués à travailler ensemble, je crois qu'ils n'ont jamais rien fait individuellement, et qui sont surtout connus pour leur biopic, puisqu'ils sont derrière Ed Wood de Tim Burton, Larry Flint et Man on the Moon de Milos Forman, et Big Eyes aussi de Burton. Ils ont fait pas mal de biopics aussi qui n'ont pas encore été réalisés sur les Marx Brothers et les Village People entre autres. 1408, c'était leur premier travail dans le genre horrifique, et ils sont en grande partie responsables de tout l'humour qu'il peut y avoir dans le film, parce qu'ils disaient que n'ayant jamais fait d'horreur auparavant, ils ne pouvaient pas s'empêcher de retrouver le vieux réflexe et de rajouter de l'humour. C'est vrai que leurs autres scénarios sont souvent assez drôles. Le producteur, en plus des frères Weinstein, c'est Lorenzo Di Bonaventura, donc qui a travaillé plus spécifiquement sur ce film-là. Le nom me disait quelque chose, il avait déjà travaillé sur le précédent film de Avstrom, ainsi que sur Doom, Constantine et Shooter en tant que producteur, et depuis il a travaillé sur les sagas Transformers et G.I. Joe, c'est pour ça que son nom me disait quelque chose. On peut quand même préciser que Shooter n'est pas un mauvais film, comparé à tous les autres qui l'entourent. Ouais, et voilà. Il a quand même fait 2-3 bons trucs, Deepwater qui a très bonne réputation, oui. Stardust, le film de Matthew Vaughn, qui est plutôt très sympa, Line of Fire, que je n'ai pas vu, mais qui a pareil très bonne réputation. Le Dernier Rempart, que moi j'aime beaucoup, oui, Red, tous les deux beaucoup, ouais. Qui pour le coup est un vrai retour de Schwarzy sur le grand écran. Oui, effectivement, réalisé par Kim Ji-woon, c'est très bon. Red et Salt, qui sont des films plutôt sympathiques, et Effet Secondaire, qui est un très bon Soderbergh. Donc voilà, il est bon sur les films individuels apparemment, mais sur les grosses sagas, c'est pas fabuleux. Et on le retrouvera parce que lui aussi a travaillé sur Le Cimetière de 2017. Beaucoup de discussions ont lieu afin de choisir l'acteur principal. Au début, il savait pas du tout qui prendre. Cet acteur devait porter le film sur ses épaules, donc il fallait pas se louper à ce niveau-là. C'est finalement John Cusack qui est choisi. Le réalisateur trouvait qu'il avait un jeu très physique, ce qui était idéal pour un tel film. Donc Cusack, c'est un acteur qui est né en 66. En 2017, il a déjà une solide carrière derrière lui, même si elle est un peu en dents de scie. Il a travaillé entre autres dans La peau de John Malkovich, Minuit dans le jardin du bien et du mal, coups de feu sur Broadway, qui sont peut-être ceux que je préfère dans sa filmographie. Ouais. Après, l'ensemble, lui est bon, même dans les trucs plus discutables. Mmh. C'est peut-être juste qu'il n'a pas eu un bon agent ou qu'il n'a pas eu les bonnes propositions. J'aurais aimé le voir briller plus. Oui, clairement, c'est un bon acteur. Hein. C'est juste que le choix des films n'est pas toujours très... Ouais, voilà. Bon. Alors, il avait déjà joué dans un film adapté de King, puisqu'il est dans Stand By Me, il joue le frère du personnage principal. Bon, c'est un petit rôle, mais on le reverra. Et il rejouera dans un autre, de nouveau en compagnie de Samuel Jackson, avec Cell Phone en 2016. Bon, okay. Moi j'ai lu le livre, mais pas encore vu le film. Adaptation de Cellular, du coup. Ouais. All-in, dans la nouvelle, il est décrit comme un petit homme tout en rondeur, à la main grassouillette, et il est montré comme un gérant d'hôtel parfait, digne, poli. Propre sur lui. Donc comme le signalent les scénaristes et le réalisateur dans le commentaire audio, Samuel Jackson, c'est pas le choix le plus évident quand on a cette description-là. Parce que grassouillé et petit Samuel Jackson, bon, pas des masses. Mais c'est Tarantino qui avait lu le script et l'avait apprécié, qui le propose. Bon bah j'imagine que Tarantino, de toute façon, il voit un rôle, il propose Samuel Jackson. Hein. Voilà. Si ça se trouve, il lui avait proposé le rôle principal de Kill Bill avant de le donner à Uma Thurman. Mais c'est une excellente décision finalement parce que déjà, c'est un acteur qui peut tenir tête à Cusack, qui a assez de prestige et de force pour le faire. Et surtout, il dégage une aura de force, de sérieux et de prestance. On se dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir peur pour rien, c'est pas un lâche, c'est pas quelqu'un qui va avoir peur de juste des petites rumeurs non fondées. Si All-In, joué par Samuel Jackson, a peur de la chambre, en tant que spectateur, on se dit tout de suite, c'est probablement qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. C'est vrai que le descriptif du personnage dans le roman ferait plus penser à Danny DeVito. Oui. Sauf que Danny DeVito qui flippe, c'est un peu une constante en fait. Ouais, c'est ça, on se dit bon bah voilà. Disons qu'il y a que dans Batman Return où bon, il est un petit peu démoniaque, mais sinon le reste du temps c'est... Voilà, c'est de la team flippette quand même. Tandis que Samuel Jackson, même en tant que spectateur, on est habitué à le voir dans des rôles d'homme fort. Mmh. Donc ça surprend forcément de le voir avoir peur comme ça. Le film, comme il est très peu gore, il n'a qu'un PG-13, et dans un PG-13, il n'y a le droit de mettre qu'un seul fuck ou fucking dans un film, et c'est Samuel Jackson qui l'a, mais apparemment c'est un hasard, c'était déjà dans le scénario avant qu'il ne débarque là-dessus, mais évidemment il le lâche très bien, donc c'est à un moment où il dit « It's an evil fucking room », donc voilà, c'est le petit moment Samuel Jackson. Et puis que ça soit lui qui l'ait, ça coulait tellement de sources, quoi. Ouais, c'est ça, une fois qu'on savait que c'était lui, il fallait que ce soit lui qui l'ait. Voilà. La seule autre actrice à avoir un peu de temps à l'écran, c'est Mary McCormack, qui joue le rôle de la femme de Mike, Lily. Elle a joué dans quelques séries et films, donc dans les séries Murder One et Urgence, un petit rôle, et surtout à la Maison Blanche et US Marshals. La porte s'ouvre mystérieusement. Si aussi, mon Dieu. Il se passe des choses. Le film a été tourné en grande partie en Angleterre, il y a eu beaucoup de travail pour décider de l'apparence initiale de la chambre, parce qu'il fallait pas qu'elle fasse tout de suite chambre hantée, il fallait qu'au début, elle puisse avoir l'air d'une chambre d'hôtel normale. Mais que le décor puisse ensuite donner lieu à des mises en scène intéressantes. Donc il y a des éléments qui sont repris à King, notamment les tableaux qui bougeront ensuite, qui se modifieront. Et la chambre forme une boucle, on peut passer du salon à la partie vraiment chambre avec le lit, la partie chambre à la salle de bain, et la salle de bain elle-même est connectée au salon, c'est une disposition assez intéressante. Oui, bah des fois ça donne des plans où on sait plus trop où on se trouve. Hein. Ouais, de plus en plus au fur et à mesure du film, ça paraît normal, mais tout a été travaillé pour que ça puisse être étrange. Pendant tout le début du film, jusqu'à ce que l'architecture de la chambre commence à vraiment se modifier, le réalisateur a fait en sorte de ne jamais avoir à pousser les murs pour placer sa caméra, donc la caméra reste elle aussi dans l'enceinte de la chambre, ce qui renforce la sensation d'enfermement. Bon après, évidemment, la chambre va totalement se modifier, donc cette règle va forcément sauter, mais il a essayé de la respecter aussi longtemps que possible. Il a aussi essayé de faire en sorte que la majorité des effets soient physiques, il y a plusieurs versions de la chambre qui ont été construites afin de gérer les différentes ambiances, il y a même une version immergée de la chambre pour les scènes où elle est inondée. Donc ça c'est plutôt louable, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de fond vert et ça rend vraiment bien niveau ambiance et niveau jeu des décors. Et pas mal de choses ont été tentées au montage afin de tester différentes combinaisons et de rendre le film un peu plus imprévisible et moins linéaire. Donc ça donne un montage assez rapide, assez cut, mais ça le rend aussi plus surprenant, et les scénaristes disent qu'ils n'avaient jamais travaillé sur un film où il y avait autant de travail de modification au moment du montage. Il y a des scènes qui ont complètement changé de place, voire des fois des extraits très courts qui ont été déplacés d'un moment à l'autre pour les rendre moins « logiques », entre guillemets. Mmh. La musique a été composée par Gabriel Yared, qui est un compositeur français d'origine libanaise qui a souvent travaillé sur des compositions américaines et internationales en général. Il est connu pour le patient anglais, pour l'amant, pour la vie des autres, pour Azur et Asmar. Donc que des films où il a fait un super boulot. Ouais, globalement c'est un très bon compositeur et pareil, il livre un bon travail sur 1408 aussi. Hein. Ouais, il avait même travaillé sur 3, mais sa BO a été rejetée. D'accord. C'est plutôt un compositeur habitué à un style très orchestral et mélodique avec un côté lyrique assez prononcé, donc son travail sur 1408 est très atypique parce qu'il y a beaucoup plus de pistes d'ambiance, beaucoup plus d'utilisation de synthé, de percussions synthétiques notamment. Mais comme tu le dis, je trouve que ça rentre très bien et les moments où ça devient plus mélodique, plus épique fonctionnent à fond, que ce soit pour évoquer la fille de Mike ou pour évoquer vraiment la menace de la chambre quand elle se fait détruire, je trouve sa musique magnifique. Il existe une fin alternative au film, on reviendra sur laquelle on préfère nous, que les scénaristes et le réal préfèrent en tout cas. Mike meurt dans la chambre au moment de l'incendie, et Olin, au moment de l'enterrement, veut remettre à sa femme les affaires de Mike, qu'elle refuse. Donc il écoute l'enregistrement de Mike, donc qui contient à peu près les mêmes sons que ce qu'on a nous dans la version ciné, mais cette fois-ci c'est lui qui va sentir qu'il s'est vraiment passé quelque chose dans la chambre, qu'il y avait peut-être vraiment la fille de Mike. Et le dernier plan, on voit le fantôme de Mike dans la chambre détruite qui s'éloigne, on suppose, pour rejoindre sa fille. Donc c'est une fin plus sombre parce que Mike meurt, mais aussi il y a un côté positif parce qu'il a quand même détruit la chambre et il est avec sa fille au final. C'est vraiment une fin en demi-teinte en fait. C'est ça. Et le plan final de cette fin est très joli. Ouais, très très beau plan final sur la chambre détruite. On le voit partir de manière fantomatique dans la chambre, on entend sa fille qui l'appelle et lui qui dit qu'il arrive. Le plan final est très joli. On reviendra après sur quelle fin on préfère, mais elle est satisfaisante dans tous les cas. Le film, d'après Box Office Mojo, rapporte 72 millions de dollars sur le sol américain et 60 à l'international, pour un budget de 25 millions, donc c'est rentable. Oui. Le film est plutôt bien reçu par la critique à l'époque pour son travail sur l'ambiance et pour l'humour qu'il rajoute, et aussi pour avoir évité le gore, même s'il y a certaines critiques dissonantes qui le comparent de manière défavorable à Shining. Après, même si c'est deux films d'hôtel hanté, je trouve pas qu'ils soient tellement comparables, à titre personnel. Ça n'a même rien à voir. Voilà, c'est juste pour que c'est King, et c'est un hôtel, donc ils ont dû se dire, on les connecte. Et c'est un écrivain, en plus, dans les deux. Aujourd'hui, il y a 79% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes et 2,9 étoiles sur Allociné, ce qui veut dire qu'il est en dessous du fléau, qu'on a vu la dernière fois. Et j'ai trouvé pas mal de critiques sur des sites qui sont plutôt négatives, qui lui reprochent d'être trop explicite dans la menace de la chambre et de manquer de personnalité dans la réalisation. Encore une fois, si on dit ça de 1408, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on dit pas du bien du fléau et de certaines autres adaptations, mais bon. Le réal, comme les deux scénaristes, par contre, semble assez fier de ce projet, et le réalisateur le considère comme une œuvre très personnelle, après son premier film hollywoodien, comme on le disait, plus anonyme. King n'a pas été énormément appliqué sur ce film, mais il en est très satisfait, et dans un livre, un recueil de nouvelles adaptées en film qui s'appelle Stephen King Goes to the Movies, il le liste comme une des 10 adaptations de son œuvre qu'il préfère. Donc vous êtes en train de dire que les fantômes n'existent pas ? Moi, ce que je dis, c'est que je n'en ai jamais vu, mais qu'ils sont sûrement très utiles aux hôtels qui ont fait faillite à cause d'une autoroute déplacée, mais je crois que je m'égare. Quelqu'un a un stylo ? J'en ai un. Lequel voulez-vous ? Mais sérieusement, Mike, si je voulais en voir un vrai de fantôme, quel serait le meilleur endroit ? Un fantôme garanti ? Ouais. La maison hantée à Orlando. Géant, merci. Gardez les frissons. Ah, merci. Le long chemin du retour. Ça alors, où vous avez trouvé ce truc ? Sur eBay. eBay. Combien vous l'avez payé ? Il était pas très en demande. Ouais, ça m'étonne pas vraiment. Waouh. Mais c'est un très beau bouquin. Oh. C'est un livre unique et inspirant et très honnête. Merci. Votre nom ? Anna. Anna ? Vous allez en écrire un autre comme celui-là ? Non, c'est plus moi. Et donc, maintenant qu'on a vu l'avis des autres, il est temps de passer à notre avis. Chris, qu'est-ce que tu penses de Chambre 1408 ? Alors déjà, petit préambule avant de commencer. Ça fait deux émissions qu'on s'est tapé Les Enfants du Maïs, plus le fléau, et bah putain, ça fait du bien d'avoir revu, pour moi en tout cas, la chambre 1408. Ah là, on est totalement d'accord. Voilà, enfin. La nouvelle commence directement par l'arrivée de Mike à l'hôtel, alors que là, peut-être pas la première demi-heure du film, mais au moins le premier quart d'heure du film, c'est uniquement du développement de personnage sur lui, et c'est tellement bienvenu pour le format cinéma. Où, bah déjà, le film commence avec une ancienne expérience, lorsqu'il est en train d'écrire le roman, enfin l'essai qu'il écrit actuellement, où il est dans une chambre où il ne se passe absolument rien. Oui. Et c'est tellement une bonne idée d'avoir mis ça, d'avoir mis une scène où, bah, on comprend pourquoi il est blasé, parce qu'il en a marre de vivre des choses, enfin, de ne rien vivre en fait, tout simplement. Il en a marre d'être dans des lieux qui ne sont pas hantés alors qu'ils sont supposés être hantés, et il se fait chier. Donc ça, c'est une idée des deux scénaristes et du réalisateur. Dans la première version, il avait une expérience, enfin, il se rendait compte qu'il ne se passait rien, mais il avait quand même une expérience plutôt apeurante dans la chambre où il était, tandis que là, il est totalement blasé. Oui, là, il... En plus, il y a ce décor qui est à la fois... qui aurait pu être inquiétant, mais qui devient un peu ridicule de la chambre qui est trop petite. Oui. On a l'impression que c'est qu'elle a été construite à la mauvaise échelle, donc Mike est plus grand que tout, il est plus grand que la porte, que les fenêtres. Et plus aussi tout le passage à la réception. Oui. Où les deux propriétaires de l'hôtel l'emmerdent, hein, faut dire les mots, l'emmerdent totalement, alors que lui, il s'est tapé de la route infernale, plus le mauvais temps, tout ce qu'il a envie, c'est de terminer cette histoire et d'aller dans la putain de chambre, quoi. Oui. Et t'as les deux là qui arrêtent pas de lui raconter des histoires que sans doute ils ont inventées eux-mêmes pour le tourisme, mais c'est vraiment une très bonne idée en fait d'avoir fait cette séquence là. Et puis après on enchaîne avec une séquence de dédicace où on voit que déjà Mike, avant d'écrire ses guides tout minables, a eu une vraie expérience d'écrivain avec un vrai premier roman. Donc pareil, ça contribue à vraiment développer le personnage, où on voit que bah au final c'est un petit peu un écrivain sur le retour, un peu raté, qui a écrit un vrai roman avant, mais qui, bah, du coup, maintenant, pour des manières pécuniaires, pour des raisons pécuniaires, bah, écrit un petit peu ce qui se vend, au final. Et... Alors, scène très drôle, quand le libraire annonce dans le micro la venue de cet auteur, tout le monde en a rien à cirer. Oui. Ils en ont mais rien à carrer, c'est plutôt drôle. Mais ouais, toute cette introduction... Et puis, on sent que lui-même n'a absolument aucune estime pour ce qu'il fait... Enfin, il a aucune sympathie pour ses livres commerciaux. Oui, totalement. Et voilà, toute cette introduction du film qui sert à développer le personnage, c'est vraiment bienvenu. Oui. Alors, détail amusant, les scénaristes ont fait en sorte que dans tout ce premier quart d'heure, Mike ne parle jamais en face à face à quelqu'un qu'il connaît. Ce qui l'isole, et effectivement, la seule discussion qu'il a avec une personne qu'il connaît, c'est son éditeur qu'il a au téléphone, mais c'est par téléphone. Il parle jamais à un ami ou à un proche de manière directe, dans tout ce début. Et puis, arrive enfin l'arrivée à l'hôtel, et l'extraordinaire face-à-face avec Samuel L. Jackson. Oui, bah là, c'est là qu'on voit que, enfin, il fallait prendre Samuel Jackson. Cette scène dure 10 minutes, et elle fonctionne du tonnerre. C'est un moment presque de théâtre filmé, parce que la réalisation va juste se contenter de mettre en avant les deux acteurs, parce que c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce genre de moment. Le réalisateur le dit clairement, il fallait mettre en avant la force des deux acteurs. Et effectivement, là, c'est très proche du texte de King, il y a des répliques qui sont reprises quasiment exactement, et c'est excellent. Et c'est justement, une fois arrivé dans la chambre, alors déjà, gros, quand il rentre dans la chambre, gros travail au niveau de la bande-son, c'est vraiment là où la bande-son d'ambiance commence vraiment à prendre le dessus et vraiment me donne l'impression que la chambre est vivante. Oui. Parce que quand il rentre, t'as des bruits de grincement, t'as vraiment des bruits inquiétants. C'est comme si vraiment une créature démoniaque était en train de l'avaler au moment où il rentre dans la chambre. Oui. Et c'est surtout là où le film commence à broder. Oui. Alors, on va évoquer ça tout de suite. La structure des deux œuvres est à première vue assez proche, puisque on a dans les deux cas la discussion avec Colin, suivie du séjour dans la chambre, suivie d'une fin qui est à peu près la même dans les deux, donc Mike qui incendie la chambre et qui s'en sort mais qui reste hanté par son souvenir. Donc on pourrait se dire que globalement la structure de la nouvelle est suivie dans le film, sauf que la nouvelle fait 60 pages et se décompose de la manière suivante, 29 pages pour la discussion avec Colin, 21 dans la chambre et 10 pour la conclusion. Tandis que le film, qui fait 1h44, la discussion avec Colin est de la 14e à la 24e minute, donc 10 minutes, ce qui est déjà long pour une scène de film. Ouais. Si ça avait été Tarantino, la discussion aurait duré 2h30, mais bon. Voilà. Ensuite, de la 26e minute à 1h38, Mike est dans la chambre, donc il y a quand même une très très grosse différence là, et les 6 dernières minutes sont consacrées à la conclusion. Donc King traitait le séjour dans la chambre par le mystère, par l'ellipse, tandis que le film, lui, va au contraire tout nous montrer quasiment en temps réel. Avec d'ailleurs le radio-réveil, qui oui. Indique en temps réel, enfin, je sais pas, j'ai pas vérifié si c'était du vrai temps réel par rapport au film, mais à un moment, pouf, il fait un décompte d'une heure. Alors je ne pense pas que ça corresponde, parce que le temps réel est quand même un concept assez flou dans la chambre. Il y a tout un passage où il va croire qu'il est sorti de la chambre, où on perd totalement la notion de temporalité, pour le coup. Donc la grosse différence, en fait, ça va être que dans le film, la chambre va s'adapter à Mike, tandis que dans la nouvelle, on avait l'impression que c'était une menace générique, très efficace, mais qui aurait été la même, quelle qu'ait été la personne dans la chambre. Tandis que là, très clairement, elle va fouiller dans sa vie privée, dans ses souvenirs, dans ses traumas, et lui envoyer ça à la gueule. Donc c'est une horreur psychologique qui va se teinter de pas mal de drames, et finalement ça va rajouter énormément de développement de personnage, et là où c'est intéressant, c'est que ce développement de personnage va passer intégralement par la chambre, c'est la chambre qui va faire ressortir tout ça, tandis que jusqu'à son entrée dans la chambre, le personnage était relativement ce qu'avait décrit King, à savoir juste un auteur blasé et pas mal cynique, mais sans vie privée. Tandis qu'il y a tout ça qui va ressortir une fois dans la chambre avec l'ajout d'une intrigue autour de son ancienne femme et de sa fille qui est décédée alors qu'elle avait 8 ans d'une grave maladie et le fait qu'il ait pas pu faire son deuil, et c'est là-dessus que la chambre va appuyer. À partir du moment où Mike rentre dans la chambre, c'est un enchaînement de phénomènes paranormaux. Moi personnellement, dans mon côté, j'ai retranscrit ceux qui m'ont plus marqué, il me semble que t'as fait la même chose. Oui. Pourquoi on n'aborderait pas ça sous ce point-là? Oui, on peut aborder ça sous cet angle-là, oui. Moi, l'un des premiers phénomènes qui m'a marqué, et parce que ça intègre de l'élément comique, c'est le passage où Mike tente de sortir de la chambre pour la première fois. C'est-à-dire, il tambourine, et à un moment, il met la clé se casse dans la serrure, elle a la porte, avale la clé. Oui. Ah, et c'est une scène, en fait, qui m'a interpellé parce que c'est une scène totalement Evil Dead. Oui, il y a pas mal de trucs qui ont un comique qui peut faire un peu Evil Dead. Hein. Ah ouais, mais c'est vraiment du Sam Raimi pure souche. Oui. Vraiment, c'est la première fois où le rire vraiment s'installe dans les phénomènes paranormaux. Après, t'as plusieurs... Alors avant, phénomène paranormal, enfin, il est assez classique, mais je trouve qu'il est intéressant à noter, c'est quasiment le tout premier, quand la fenêtre va se refermer sur la main de Mike, et qu'ensuite il va essayer de se passer la main sous l'eau, et c'est l'eau bouillante qui va sortir du robinet. Bon, c'est très classique, mais là où je le trouve intéressant, c'est que ça fait péter un câble à Mike, mais tout de suite. Il a un côté, au début, c'est un personnage à la Scully, c'est-à-dire c'est le mec qui va douter de tout ce qui se passe de paranormal, qui va essayer de trouver une explication logique, mais il va très vite en revenir de ça. Dès ce moment-là, il va pas se dire « Non, mais c'est peut-être la tuyauterie qui est mauvaise, non, mais c'est peut-être la fenêtre qui est ébranlante, non. » Dès ce moment-là, il se dit « Ok, il y a un truc qui va pas », et il va tout de suite paniquer, et ça fait sauter en fait le garde-fou qu'avait le spectateur aussi, parce qu'il se raccrochait un peu à ce personnage pour se dire « C'est pas si grave, il se passe rien ». Là, si ce personnage ne tient pas et a peur, en fait, le spectateur tout de suite va être lâché lui aussi dans l'angoisse. Bah puis en plus, ça s'enchaîne, quoi. C'est la fenêtre, l'eau, le radio-réveil, c'est vraiment un enchaînement en fait de trucs plutôt violent en plus. Ouais. Violent que ce soit, au niveau douleur ou au niveau sonore. Oui, la chambre est vachement agressive très rapidement. Ouais, très rapidement. Et c'est après ces événements très violents qu'intervient du coup le premier passage développement de personnage, la télé qui s'allume et la chambre qui diffuse une ancienne vidéo où on voit la petite famille en paix en fait. Oui. Et c'est vraiment un moment bienvenu, puisqu'en plus de développer le personnage, c'est vraiment un moment de calme et de douceur qui intervient après cette violence soudaine. C'est ce qui va venir de plus en plus, en fait. Au début, la violence de la chambre est assez physique. Il va y avoir ensuite aussi l'inondation qui va être très physique comme effet. Mais plus ça passe, plus elle va devenir psychologique comme douleur, plus ça va devenir pervers, en fait. Donc, qui va très bien marcher aussi comme scène, c'est quand Mike va essayer de s'évader de la chambre en passant par la fenêtre, en montant sur la corniche, avec comme projet de rejoindre la chambre d'à côté. Et il va y avoir un plan qui va dézoomer lentement et qui va montrer que la façade n'est plus qu'un immense mur de pierre, oui, avec une seule fenêtre, celle de la chambre 1408. Il faut voir qu'à ce moment-là, il est vraiment dans l'angoisse, hein, parce que juste avant, il y a quand même l'un des murs de la chambre qui est en train de dégueuler du sang. Oui. Donc c'est vraiment, il faut remettre les choses en perspective, quoi. C'est pas juste après la scène où il voit sa petite famille à la télé, quoi. Ah oui, c'est ça. Là, il est déjà bien dans l'angoisse. Il y avait déjà eu aussi le moment où il avait vu que dans la fenêtre d'en face, en fait, il pensait qu'il pouvait prévenir quelqu'un, qu'il y avait quelqu'un, mais il se rendait compte que c'était une sorte de projection de lui-même qui faisait les mêmes mouvements. Enfin, la chambre a un contrôle même sur l'extérieur. Elle coupe complètement l'accès au dehors. Parce que le tout premier phénomène paranormal, c'est il ouvre la fenêtre, il commence à vouloir crier, mais plus aucun son ne sort de sa gorge, il n'y a plus aucun son qui vient ni de la rue, ni de la chambre en fait. Oui, et à un moment il essaie de balancer une lampe aussi, mais qui disparaît avant de toucher le sol. C'est ça. J'aime beaucoup aussi l'explication que donne le film à pourquoi il y a eu autant de suicides dans cette chambre. C'est qu'au final, ça serait des gens qui seraient devenus fous, et le seul moyen qu'ils auraient trouvé d'échapper à la chambre, c'est tout simplement de se jeter par la fenêtre. Oui. Un moyen qui est suggéré par la chambre elle-même, parce qu'on se rend compte à la fin du film, elle dit on peut faire votre check-out et il y a un genre des zooms pour montrer une corde avec un nœud pendu qui est prête. Et pareil, là, il y a aussi tout l'effet comique qui revient régulièrement dans le film. Il y a plein de trucs qui sont plutôt drôles quand même. Bah, le passage où le plan indique chambre 1408, vous êtes ici, et en fait il n'y a plus que ça sur le plan. Oui, sur le plan de l'hôtel, tout le reste est noir, ça c'est très drôle. Ça aussi c'est très Evil Dead, c'est très Sam Raimi dans l'esprit, et c'est pareil pour le passage où il ouvre le minibar et on a un mini Samuel Jackson qui lui parle quoi. Oui, en plus qui est tout au fond d'un couloir, donc il y a un effet de perspective qui est totalement bizarre. C'est ça aussi c'est du pur Sam Raimi ça aussi. Oui. Vraiment, le film est bourré de bonnes idées au niveau de tous ces phénomènes paranormaux. Oui, à ce niveau-là, il y a eu un gros travail. Ce qui renforce le sentiment aussi d'angoisse, c'est que les anciens de la chambre se sont suicidés pour y échapper, mais on se rend compte que finalement, ils n'y ont pas échappé, vu qu'on reverra leurs fantômes, qui ne sont pas particulièrement agressifs, mais qui se suicident en boucle. Mmh. Donc on peut supposer qu'ils ont toujours bloqué dans ce cycle d'une heure, quelque chose comme ça, dans le réveil. Les fantômes ont l'air conscients d'être là. Parce que quand lui remonte dans la chambre après le passage de la corniche, il y a le fantôme d'une dame qui a de l'embonpoint qui semble le regarder en train d'essayer de remonter dans la chambre. Ouais. Alors qu'elle semble inexorablement prise dans une boucle où elle est obligée de se jeter dans le vide. Peut-être qu'ils essaient de l'avertir, peut-être qu'ils essaient de l'aider, mais ils peuvent rien faire finalement. Voilà, c'est ça. La chambre effectivement va jouer de plus en plus avec le mental de Nick, donc en lui faisant croire de Mike, donc en lui faisant croire qu'il a pu appeler sa femme à un moment par Skype. Et surtout, il y a ce moment qui est totalement un rajout du film où la chambre lui fait croire qu'il a réussi à sortir. Et ça, c'est vraiment une putain de bonne idée. Ouais. Ça vient après une scène assez spectaculaire parce que la chambre s'est inondée totalement et Mike se réveille et il se réveille comme il s'était réveillé dans une scène précédente du film, c'est-à-dire il s'était renversé avec son surf sur une plage, il avait bu la tasse et il avait fait un petit malaise et on reprend à ce moment-là, donc il y a tous les faits, ça a été un rêve, ce qui est un peu décevant forcément. Oui, mais qui est pourtant totalement raccord. Oui, totalement raccord, et puis qui marche totalement parce que ça vient après 1h20 de film, donc on se dit, oui, c'est peut-être le moment de conclure. Oui, parce que toi, quand tu regardes le film, t'es pas fixé à ta montre, donc tu sais pas exactement où t'en es dans le film, mais tu sais qu'il y a quand même eu pas mal de moments avant, donc ça pourrait être la fin. Et surtout, ça dure pas 2 minutes, ça dure une bonne dizaine de minutes, ce passage-là, on le voit refaire sa vie, on le voit avoir une sorte de rédemption, comme si son séjour dans la chambre lui avait permis de remettre sa vie à plat, et donc de reprendre un certain contrôle, donc il rappelle sa femme, il rappelle son éditeur, etc. Et puis, à un moment, il y a le retour de la chambre qui est super brutal, en plus. C'est quand il est dans un bureau de poste, et tout à coup, le bureau de poste se détruit, et il se retrouve de nouveau dans la chambre 1408. Et c'est tellement bien amené. C'est tellement bien amené, et c'est tellement pervers comme effet. Puis j'aime beaucoup l'imagerie du... c'est la destruction d'un décor pour en faire émerger un autre. Parce qu'en fait, t'as les ouvriers qui commencent à péter le bureau de poste, et on se rend compte que derrière tous les murs, sous le plafond, au-dessus du plafond et sous le sol du bureau de poste, c'est la chambre. Ouais. Donc c'est vraiment la destruction d'un décor pour en faire émerger un autre. Niveau imagerie, c'est super bien pensé, c'est super malin. Globalement, niveau imagerie et décor, le film est vachement travaillé parce que, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs versions de la chambre qui ont été construites et il y a vraiment une évolution de l'ambiance au fur et à mesure. Donc ça commence comme une chambre d'hôtel presque normale mais inquiétante avec des lumières assez chaudes, assez jaunes. Ensuite, quand ça a commencé à évoquer la maladie de sa fille, ça va devenir des lumières d'hôpital beaucoup plus froides. Ouais. La température de la chambre se rafraîchit, donc ça va finir par être quasiment complètement blanc. Pareil, ce détail très drôle, à un moment, il allume un feu dans sa chambre. Oui, avec des photos que Olin lui avait passées, des anciens dossiers, des suicidés et tout. Et qui est en plus... ça annonce ce qui va venir à la fin quand il va incendier réellement la chambre, mais c'est très drôle. Oui. Ensuite, y a tout le passage où il quitte enfin la chambre, et quand il y revient, cette fois-ci, c'est des lumières très grisâtres, parce que c'est le moment où, vraiment, sa fille est morte. Mmh. Il l'a assumé, il a cette dernière discussion avec elle, que je trouve ultra belle. Et à la fin, il n'y a même plus tellement besoin d'effets horrifiques, en fait, il suffit de jouer sur son deuil pour le pousser quasiment au suicide. Parce qu'au final, tu te dis que, pour toi, spectateur, voir... En plus, parce que sa fille meurt de manière très soft, en fait, elle meurt comme quelqu'un qui meurt de maladie ou de vieillesse. C'est-à-dire, elle est vivante, et puis 2 secondes après, elle est morte. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et visuellement, toi, en tant que spectateur, c'est pas impressionnant, c'est pas horrifique, mais en tant que personnage, c'est la mort d'un être cher. Donc, c'est peut-être ce qui pourrait lui arriver de pire, en fait. C'est la chose la plus horrible qui lui arrive, au final. Ah, clairement, en plus de maladie, elle a 8 ans, enfin, il y a tout. Il n'a pas réussi à s'en remettre. Et ça aussi, c'est très intelligent, en fait, de faire que l'événement le plus horrible pour le personnage soit, au final, un événement qui, visuellement, ne soit pas horrible pour le spectateur. Ouais. Non, tu n'es pas Cathy. Tu veux bien m'aider? S'il te plaît. Tu n'es pas réelle. Papa, j'ai froid. Tu n'es pas Cathy. Tellement froid. Je t'aime tellement. On dirait que tu ne m'aimes plus. Bien sûr que si, je t'aime mon cœur. Voilà, je te tiens dans mes bras. Ça y est, tu es là, Cathy. Oh mon Dieu. Ils ne me laisseront pas rester. Oh si, si, ils non, ils ne vont pas me laisser. Pourquoi? Ils ne vont pas me laisser rester. Oh, non, non, non, non, non, non. Personne ne nous séparera plus jamais. T'inquiète pas, je te tiens. Oh mon Dieu. Je ne te laisserai pas partir. Tu m'aimes, papa? Oh oui, je t'adore, je t'aime plus que tout. J'aimerais tellement qu'on reste ensemble. Toi et moi et maman. Oui, Cathy, oui, tu vois, je te tiens très très fort. Je te lâcherai jamais, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Non. Non. Non. On peut pas mourir deux fois. On peut pas. Non. Non. Non. Salopard ! C'est presque dommage en fait que d'autres phénomènes paranormaux se reproduisent après. On aurait pu s'arrêter sur ce dernier là, je trouve. Ouais, après il y en a pas des masses. Hein. Ça, après on évite au fait que la chambre boucle qui va rester bloquée là-dedans voilà, pour toujours. Et il va vite détruire la chambre, donc ça vient. Mmh. C'est quand même un des derniers trucs. Oui, c'est vraiment la discussion avec sa fille, c'est un des tout derniers trucs. Mmh. Avec aussi ce détail que je trouve très beau dans la chambre en ruine, t'as une porte intacte au milieu, oui. Et t'as John Cusack qui va toquer à la porte avant de l'ouvrir. Mais tu vois, c'est l'une des qualités que je crois que c'est le directeur de casting qui voulait John Cusack, parce que John Cusack était un acteur du mouvement, du réel. Ouais. Et justement, ça se voit en fait que le film utilise très peu de fond vert, on voit quasiment pas. Ça se voit que Cusack interagit vraiment avec la chambre, avec tout ce qui l'entoure. Oui. Parce que clairement, comme on l'a dit, oui, Cusack c'est un acteur du mouvement, du réel. Clairement, face à un fond vert, ça aurait eu beaucoup moins d'impact en fait. Oui. Et puis pour le coup, il se donne à fond, hein. Il y va vraiment en force. C'est d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce qu'il y va très tôt en force. Ouais. 5 minutes après être rentré dans la chambre, il est déjà parti en vrille. Mais pourtant, il va réussir à tenir le rythme et surtout à le faire varier. Bah, lui aussi va se diriger de la colère. Beaucoup plus de tristesse et de folie. Le passage où il retourne dans la chambre après le passage à l'extérieur, bah, il pète un câble. Oui. Il se met à hurler, ah, j'étais sorti, en se tapant sur la tête, c'est incroyable. Ouais. Enfin, son jeu d'acteur à ce moment-là est fou, quoi. Ouais, je le trouve vraiment magnifique dans ce film-là. Et l'absence de fond vert et d'utilisation que d'effets, de véritables effets, c'est pour ça que ce putain de film qui maintenant a plus de 10 ans, bah encore aujourd'hui, il n'a pas du tout vieilli. Oui, parce que les effets ne peuvent pas vieillir, finalement. Voilà. Et dans quelques années, bah, il sera pas vu, en fait. Mm-hmm. Ce film-là, bah, il survivra autant, contrairement à beaucoup de films qu'on a déjà abordés et qu'on continuera à aborder. John Cusack, c'est lui qui a insisté aussi beaucoup pour que soit très mis en avant un élément qui est déjà dans la nouvelle, à savoir l'enregistreur avec lequel oui. Mike se balade, parce qu'il disait « dans la mesure où je serai tout seul, en fait cet enregistreur ce sera mon seul compagnon de jeu, et c'est ce qui me permettra de parler tout seul sans que ça paraisse ridicule, parce qu'effectivement quand il parle tout seul, en réalité il s'enregistre sur son machin oui. ». Donc c'est vrai que ça donne énormément de crédibilité à ce qui est, au fond, une astuce pour pouvoir retranscrire en mots les sentiments du personnage. Il y a un autre élément qu'on n'a pas abordé et qui intervient un petit peu après le début des premiers phénomènes paranormaux, c'est la remise en question de tout ce qui se passe. C'est le personnage de Mike qui se dit « Attends, j'ai bouffé des chocolats, est-ce que Olin n'aurait pas drogué? Putain, est-ce qu'il n'y aurait pas du gaz qui s'échapperait du conduit ?» Et il y a tout ça qui le plonge encore plus dans la folie, et encore une fois, bah, le Cusack avec son jeu balance la sauce et ça rend super bien. Et c'est pareil avec tout le passage dans la canalisation où il est poursuivi par une entité étrange, un petit peu momifiée. Ça, c'est une des scènes, parce qu'il existe une version longue du film, un director's cut entre guillemets. Qui dure plus et de ça, c'était. Oh non, je crois que c'est 1h52, il doit y avoir 10 minutes de plus, quelque chose comme ça. Et ça, c'était une des scènes qui était rallongée, ça rendait les canalisations encore plus labyrinthiques. C'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais juste avant que Mike rentre dans la chambre, déjà on se rend compte qu'en fait la chambre, elle commence déjà à jouer sur lui. Oui. Il y a le passage où en fait il tourne et en fait on voit qu'il a fait une boucle sans s'en rendre compte dans le couloir juste avant de rentrer dans la chambre. Oui. Ou alors la bouffe qui est en train de périmer, posée par terre, la voisine étrange avec son landau de gamin, tu sais pas trop ce qui se passe. Donc avant même de rentrer dans la chambre, et c'est pour ça, et du coup ça donne une explication à pourquoi Olin, bah en fait il sort pas du tout de l'ascenseur, parce qu'il doit très bien se douter que dès que t'es dans le couloir, ouais, ça il faut pas. Sur toi, quoi. Alors tu disais que le premier phénomène paranormal un peu comique, c'était la clé mangée. Mmh. Mais en fait il y en a un petit avant, mais un tout petit, c'est le papier toilette quasiment dès qu'il entre dans la chambre. Ah oui. Qui a la même, qui est plié de la même manière que les chocolats qui sont posés sur l'oreille. Oui. Ça je trouve ça rigolo. Lui qui déchire la feuille et puis après le papier se refait. Oui. Et du coup il cherche, mais est-ce qu'il y aurait pas une personne dans la chambre avec moi qui aurait fait tout ça dans mon dos pendant que je regardais par la fenêtre. Le métier le plus bizarre dans un hôtel, quoi, c'est un plieur de papier toilette. Alors au niveau de la réalisation, ça commence de manière assez classique. La première fois où il y a des effets un peu spectaculaires, en fait, c'est au début de la discussion avec Colin, où t'as d'abord un plan zénithal sur l'arrivée de Mike qui serre les mains d'Olin, puis un plan qui tourne autour d'eux, donc qui te dit que la discussion va être importante. Mais après, la réalisation commence vraiment à devenir atypique quand, au fur et à mesure qu'il est dans la chambre, et là on va avoir des angles de caméra beaucoup plus audacieux, et puis, comme on l'a dit, les éclairages qui vont commencer à beaucoup changer. C'est là vraiment que la réalisation va être touchée par la folie de la chambre, entre guillemets, et va devenir moins normale. Va aussi faire en sorte de nous perdre géographiquement, de faire en sorte qu'on sache jamais trop où on est, combien de temps est passé. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir eu cette progression dans la mise en scène. Mmh. Et c'est là que je suis pas d'accord pour dire que la mise en scène est anonyme, parce que je trouve pas qu'elle le soit. Ah non, elle est loin d'être plate. Mais c'est vrai que beaucoup de l'ambiance passe, je trouve, plus par le travail sonore plutôt que par la mise en scène. Bah, après, il y a quand même des jeux sur la perspective. Il y a notamment un plan, juste après qu'il y a eu la projection de ses souvenirs avec sa fille et sa femme à la télé, t'as un plan qui le montre, lui, à un bout de la chambre, et t'es à la télé au premier plan, et t'as l'impression, en fait, ils ont dû utiliser un objectif qui décalait un peu les perspectives, parce que t'as l'impression que la chambre est super longue. Mmh, oui. Mais t'as plusieurs fois ça, par contre, ouais. des zooms en recul qui font que t'as l'impression que les couloirs grossissent, typiquement le plan de la corniche qu'on a évoqué tout à l'heure, ça donne des perspectives assez folles, quoi. Oui, c'est ça, où justement avec Colin, quand il apparaît dans le minibar et que lui a l'air d'être dans un plan large alors qu'il est dans un minibar minuscule et que le contre-champ c'est Mike en gros plan qui se penche pour voir ce qui se passe. Encore un moment d'humour d'ailleurs, juste après ce passage là où il le voit dans le minibar, il commence à s'exciter sur le minibar, à foutre des gros coups de poing, alors qu'en fait il y a des bouteilles qui sont revenues, et lui tout ce qu'il crie c'est « Ah, mais laissez-moi boire un coup !» alors qu'il est en train de shooter dans des bouteilles, quoi. Donc oui, la réalisation n'est pas anonyme, c'est une vraie réalisation qui a une vraie patte, mais je trouve que quand même l'ambiance passe plus par la musique et par le travail sonore que par la réalisation. Ouais, mais après c'est aussi un des choix de réalisateur. Oui, tout à fait. C'est aussi, enfin, il y a d'autres personnes, dont Gabriel Yared, donc qui fait un super boulot, qui ont travaillé dessus, mais c'est aussi un choix de réalisateur. Tout à fait, mais c'est vrai que pour en revenir du coup à la bande son, toute la scène de avant la conclusion, le passage où il fait cramer la chambre, on a vraiment l'impression d'entendre des râles de souffrance émis par la chambre. Ouais. C'est vraiment comme si une entité démoniaque était en train de rendre l'âme, en fait. Et du coup, je pense qu'on peut aborder maintenant la fin, et la fin cinéma, et la fin director cut. Oui, voilà. Donc la fin cinéma, pour expliquer ce qui se passe, donc Mike met le feu à la chambre, comme dans la fin director's cut, mais il arrive à sortir de la chambre, ce qui est repris à la nouvelle. Il se réinstalle, on suppose, avec sa femme, puisqu'on les voit emménager ensemble, et Mike va réécouter son enregistreur qui a été sauvé des flammes, donc il va entendre une série de sons étranges, il va s'entendre parler de manière sautillante, il manque des bouts, et puis tout à coup, va y avoir la voix de sa fille qui va lui dire « Ne m'abandonne pas, papa, ne me laisse pas toute seule », et les derniers plans, c'est la femme de Mike qui entend ça et qui lâche toutes les affaires qu'elle portait par terre. Oui, qui prend conscience du coup que tout ce qu'a vécu, tout ce qu'a vécu Mike, c'est vrai. Et le dernier plan, en fait, c'est sur Mike qui a l'air... Enfin, on sait pas trop s'il a un sourire de soulagement, de se dire « je suis pas fou, il s'est réellement passé des trucs », ou est-ce que c'est un air de tristesse qui se dit « mais j'aurais peut-être pas voulu la quitter, en fait, cette chambre, si j'avais pu être réellement réuni avec elle ». Et donc c'est le dernier plan du film. C'est un moment où Cusack est très sobre, comparé à ce qu'il a été avant, et je le trouve magnifique, ce plan-là. Oui, parce que vraiment, on a du mal à interpréter en fait ce qu'il veut faire passer dans ce sourire à demi-teinte, en fait. Bah, je pense que c'est les deux à la fois. Ouais, hein, voilà. Il y a clairement une tristesse. Bah, j'ai perdu ma fille pour la deuxième fois. D'une certaine façon, la chambre a frappé vraiment là où ça faisait le plus mal. Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, il s'en est débarrassé. C'est quand même une victoire à demi-teinte, mais une victoire quand même. Ouais. Alors que pour le coup, la fin, Director Cut, bon bah là, il ne survit pas à l'incendie. Et en fait, c'est Olin qui écoute l'enregistreur. Donc on se retrouve avec Olin à la place de la femme pour réaction. Sauf que je trouve que ça a beaucoup moins d'impact en fait. Oui. Que Olin voit. Parce que déjà, lui-même savait que la chambre était. Qu'il se passait des choses dans la chambre. Oui, il n'y a pas de surprise de son côté. Voilà, et. En plus, c'est l'occasion de mettre un jumpscare qui est clairement pas forcément à sa place. Oui. Puisqu'il voit une créature de la chambre dans son rétroviseur, bon... Pff, est-ce que ça a vraiment mérité? Bah, il voit Mike dans son rétroviseur, c'est Mike qui voit à la fin. Ah, j'ai pas fait attention. C'est Mike brûlé, mais c'est Mike. D'accord. Bon, bref, enfin, il voit Mike, ouais. Et ça a pas tant d'intérêt que ça, quoi. Mm. Par contre, finalement, le dernier plan, c'est l'inverse de celui de la fin ciné, mais finalement, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire il est resté dans la chambre, mais il est réuni avec sa fille, tandis que dans la version ciné, c'est l'inverse. Mais on le voit apparaître dans la chambre et il regarde à l'extérieur de la chambre, c'est que ça laisse quand même le doute de... Il est content d'être avec sa fille, mais on sent que le personnage aurait peut-être voulu quand même réussir à sortir de la chambre. Mmh. Bah après, on peut supposer que d'une certaine façon, il sort de la chambre en disparaissant à la fin. Voilà, c'est ça aussi. Mais donc ce plan très iconique à la fin est plutôt bienvenu, mais clairement, j'ai moi personnellement une préférence pour la fin cinéma. Oui, moi aussi. Que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'impact avec le côté où la femme, sa compagne se rend compte, en fait, qu'il n'est pas fou. Ouais. Et qui elle-même aussi réentend la voix de sa fille décédée il y a plusieurs années. Et à ce passage-là aussi, d'ailleurs, elle-même joue très bien, d'ailleurs, la surprise et la tristesse, en fait, de réentendre sa fille. Donc c'est un passage très très fort, je trouve, en plus, qui arrive dans un décor très aseptisé, puisqu'ils viennent d'aménager, donc l'appartement est tout blanc, il n'y a aucun meuble, il n'y a aucune affaire. Ouais, il y a encore des cartons partout. Voilà. C'est vraiment un nouveau départ, mais où ils ont cette dernière trace de deuil qui reste et qui ne quittera jamais, on peut supposer. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est très différent de la fin de King, où finalement, ce qui quittera jamais Mike, tel que ça a été écrit par King, c'est la terreur de la chambre. Là, dans le film, ce qui quittera jamais Mike et sa femme, c'est le deuil de leur fille. C'est ça, bah oui, parce que vu que y a ni fille, ni femme dans la nouvelle, en fait. Ouais. Parce que Mike, bah, c'est une coquille vide, en fait, dans la nouvelle. Oui, c'est ça. Pour 60 pages, il n'avait pas. Voilà, c'est juste un écrivain. Ça aurait compliqué de développer un personnage. Lambda, et puis voilà quoi. Mm. Chose qu'on a à la limite pas dit dans les qualités du film, c'est que bah il est très bien rythmé. Oui. Vraiment l'heure 40, mais elle passe comme mettre à la poste quoi. Oui, c'est lié à tout, au fait qu'il y a toujours des événements qui s'enchaînent, qui sont assez imprévisibles. Même les jumpscares marchent parce que j'ai l'impression qu'ils sont totalement imprévisibles la chambre. Ils sont faciles. Mais ils marchent. Bah, ils sont faciles, mais ils viennent toujours après des moments qui n'avaient absolument rien à voir. Mmh. Donc on a ce jumpscare, on pouvait pas le voir venir. Oui. Comme si la chambre, encore une fois, c'est peut-être au montage que ça s'est fait, ça, mais comme si la chambre générait un peu d'aléatoire pour encore plus surprendre ceux qui y sont. Est-ce qu'il serait pas temps... De passer à la scène culte ? De passer à la scène culte. Tout à fait, c'est parti. La scène culte, nous avons pris un extrait de la discussion entre Olin et Mike, tout simplement parce que le passage dans la chambre, il y a un tel décalage entre la longueur que ça fait dans la nouvelle et la longueur que ça fait dans le film, que ce qui peut être décrit en quelques mots dans le texte de King va prendre beaucoup trop longtemps, une fois dans la version film, tandis que la discussion est beaucoup plus proche de l'un à l'autre. Et nous avons choisi plus spécifiquement la fin de cette discussion, donc juste avant qu'Olin n'abandonne Mike dans le couloir menant à la chambre. Je lis l'édition Tout est fatal, le livre de poche, traduit par William Olivier Desmond, qui a traduit énormément de King, et nous sommes à la page 582. Olin tint à accompagner Mike jusqu'au 14e étage, et l'écrivain ne refusa pas. Il était curieux de voir si, une fois hors de son bureau et traversant le hall pour se rendre jusqu'aux ascenseurs, l'homme allait réendosser sa personnalité couleur de muraille. Et en effet, il redevint ce pauvre monsieur Olin, l'obséquieux domestique tombé entre les griffes de l'écrivain. Un homme en smoking, le directeur du restaurant ou le maître d'hôtel, supposa Mike, les intercepta pour présenter quelques papiers à Olin, murmurant une ou deux phrases en français. Olin lui répondit sur le même ton, opinant en même temps, et griffonna rapidement sa signature sur les feuilles. Le pianiste du bar avait attaqué Autumn in New York. D'où ils étaient, la musique prenait un écho lointain et nostalgique, comme dans un rêve. L'homme en smoking dit « Merci bien !» et partit de son côté. Mike et Olin du leur. Olin demanda une fois de plus à Mike s'il pouvait porter sa valise, et une fois de plus, Mike refusa. Dans l'ascenseur, la triple et impeccable rangée de boutons attira irrésistiblement l'œil de l'écrivain. Tout était à sa place, rien ne manquait apparemment. Et pourtant, si on y regardait de plus près, une absence sautait aux yeux. Au bouton marqué 12 succédait celui marqué 14. Comme si on pouvait réduire ce chiffre au néant en ne le mettant pas sur le panneau, se dit Mike. Folie. Mais Olin avait raison, cela se faisait un peu partout dans le monde. Pendant que la cabine montait, Mike posa une question. « Il y a quelque chose qui m'étonne. Pourquoi ne pas créer un résident fictif pour la suite 1408 si elle vous fait aussi peur que vous le dites ? Et tant qu'à faire, monsieur Olin, pourquoi ne pas la déclarer comme votre propre résidence à l'hôtel ?»« Je pense que j'ai dû craindre d'être accusé d'escroquerie, sinon par les gens chargés de faire respecter les droits civiques, le personnel hôtelier est tout aussi sourcilleux quant au respect de ses droits que vos lecteurs sont sensibles à des bruits de chaînes dans la nuit, du moins par les propriétaires de l'hôtel, s'ils en avaient vent. » Si je n'ai pas pu vous convaincre de ne pas passer la nuit dans cette chambre, je doute que j'aurais davantage de succès auprès du conseil d'administration de la Stanley Corporation si je leur disais que je refuse de mettre sur le marché une chambre par ailleurs en parfait état, parce que je crains qu'un fantôme ne pousse un représentant de commerce de passage à sauter par la fenêtre pour aller s'écrabouiller sur la 61e rue. De l'avis de Mike, c'était la chose la plus inquiétante que lui avait dit Olin jusqu'ici. Parce qu'il n'essaie plus de me convaincre. Quel que soit le talent dont il a fait preuve dans son bureau, peut-être des vibrations favorables émanant du tapis persan, il le perd quand il en sort. Il ne perd pas ses compétences, je l'ai bien vu quand il a signé les documents de maître d'hôtel, mais sa force de conviction. Il ne l'a plus une fois dehors. En revanche, il y croit. Dur comme fer. Au-dessus de la porte, le 12 éclairé s'éteignit et le 14 s'alluma. L'ascenseur s'arrêta. La porte coulissa, laissant apparaître un corridor d'hôtel parfaitement banal, avec sa moquette rouge et or, en rien personne, et ses appliques s'inspirant des lampes à gaz du 19e siècle. « Nous y voilà, » dit Olin, « c'est votre étage. Vous m'excuserez de vous abandonner ici. La 1408 est à votre gauche, au but du corridor. Sauf nécessité absolue, je ne m'en approche pas davantage. » Mike Enslin sortit de l'ascenseur sur des jambes qui lui parurent plus lourdes qu'elles ne l'auraient dû. Il se tourna vers le petit homme replié en costume noir et cravate bordeaux soigneusement nouée. Olin se tenait à présent les mains derrière le dos et son visage avait la pâleur de la crème. Des gouttes de transpiration perlaient à son haut front sans rides. « Vous avez bien entendu le téléphone dans la chambre, » reprit Olin. « Vous pouvez toujours essayer d'appeler si vous avez des ennuis, mais il risque de ne pas fonctionner. Pas si la chambre ne le veut pas. » Mike pensa un instant à lui faire une réponse désinvolte du genre « Autant d'économiser sur les frais !» Mais sa langue lui paraissait tout d'un coup aussi pesante que ses jambes. Impossible de la décoller du fond de la bouche. Une des mains du directeur quitta son dos et se tendit en tremblant vers l'écrivain. « Monsieur Enslin, Mike, ne faites pas ça. » Pour l'amour du ciel, il ne put achever. La porte de l'ascenseur s'était refermée sur lui. Mike resta immobile sur place pendant quelques instants, dans le parfait silence de cet étage d'un hôtel new-yorkais dont personne, parmi le personnel, n'avait reconnu qu'il était le 13e. Il fut pris de l'envie d'appuyer sur le bouton d'appel. Très bien. Et maintenant, la même scène dans le film. C'est le diable qui est dans cette putain de chambre. Par ici. Monsieur Olin, pouvez-vous lire et signer le papier, s'il vous plaît ? Très bien. Merci. Vous n'avez jamais songé à condamner la chambre ? Chez Yasuko, la compagnie préfère ne pas voir ce genre de problème. On dit qu'il n'y a pas de 13e étage et que tout va comme il faut. La chambre doit être plutôt sale, alors si vous n'avez toujours pas changé les draps, ça fait 11 ans. Non, nous sommes de vrais professionnels. La 1408 est nettoyée à fond une fois par mois. Je supervise le travail des deux femmes de ménage. Nous procédons toujours comme si la chambre était empoisonnée au gaz. Nous n'y restons que 10 minutes et j'insiste toujours pour que la porte reste ouverte. Malgré cela... Il y a quelques années, une jeune domestique du Salvador s'est retrouvée coincée dans la salle de bain et au bout d'un certain temps, quand nous avons réussi à la tirer de là, elle était... Décédée ? Non, aveugle. Elle avait pris une paire de longs ciseaux juste pour extraire ses yeux. Et elle riait de façon hystérique. Nous y sommes. Voilà où nos chemins se séparent. Je ne m'approche jamais davantage de la 1408, sauf s'il est temps d'y faire le ménage. Alors, à demain. Ne faites pas ça, monsieur. Je vous en prie. Je vous rappelle pour les billets d'Enix. Donc voilà, je commence par te demander ton avis. Chris, qu'est-ce que tu penses du travail d'adaptation pour cette scène ? Bah, il est très bon. Samuel Jackson, comme d'hab, fait un travail remarquable. Et il arrive parfaitement à interpréter le rôle d'Hollins. Et surtout, son avertissement final est criant de vérité. Vraiment, c'est l'avertissement final, c'est la dernière tentative d'un homme désespéré qui supplie Mike de ne pas y aller. Et ça fonctionne autant à l'écrit que dans le film. Ouais. Avec un effet assez différent, parce qu'à l'écrit, il y a vraiment le côté supplication. Mmh. Dans le film, il garde un certain panache, ça reste Samuel Jackson. Ouais. Donc encore une fois, il y a cet effet, si lui a peur, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Oui, et en plus de ça, t'as le descriptif de ce que ressent Mike, c'est-à-dire on voit que dans la nouvelle, la chambre commence déjà à agir sur lui. Oui. C'est-à-dire il se sent lourd, il se sent pas capable de parler, voilà, la chambre commence déjà à avoir un petit effet sur lui. C'est pour ça, du coup, Colin, lui, ne sort pas de l'ascenseur. Mmh. Dans le film aussi, ceci dit, il se sent pas à l'aise à ce moment-là. Il joue le brave, il fait le bravache, mais déjà, les avertissements d'Oline ont quand même eu un certain effet oui. sur lui. Mais c'est vrai que là, le fait d'être dans ses pensées, ça apporte un petit plus bah, qui est absent du film. Ça, forcément, c'est forcé. Ouais. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un petit détail qui a été gardé dans les dos, c'est la petite discussion en français. Elle est aussi dans le film. Oui, exact. Il faudrait réécouter attentivement. Est-ce que un pianiste joue le morceau décrit dans la nouvelle, il faudrait... Alors je crois qu'il y a une musique de piano bar à ce moment-là, mais alors quant à savoir si c'est la bonne, ça il faudrait vérifier au générique plutôt, parce que je ne sais pas ce que c'est comme musique. Il faudrait en vérifier, ça ouais. pourrait être rigolo que ça soit respecté, ça aussi. C'est fort possible en plus. Mais voilà, les deux scènes fonctionnent, les deux scènes ont vraiment un vrai impact, parce que bah, comme dit, c'est la dernière supplication d'Olin envers Mike, vraiment ça fonctionne. Avec un regard assez différent, c'est-à-dire dans la nouvelle, quand la porte se referme, il est encore en train d'essayer de supplier. Oui. Dans le film, quand la porte de l'ascenseur se referme, on a un regard sur Olin qui regarde Mike et on a l'impression qu'il se dit « Ça a mal tourné, mais je vous avais prévenu, moi j'ai plus rien à assumer finalement, j'ai plus à m'accuser de rien si ça dégénère, je vous avertis, c'est vous qui l'avez voulu. » Oui, dans le film, il a terminé sa phrase. Ouais. Voilà, alors que dans le livre, il est interrompu par la fermeture de la porte, effectivement. Mais sinon, effectivement, c'est deux scènes assez proches. Et c'est un des cas où le fait de coller au texte de King marche à fond, en grande partie grâce aux deux acteurs qui sont mis en présence, pour le coup. Et puis du coup, on a choisi ce passage-là, puisque, comme dit plus tôt, tout ce qui se passe dans la chambre, dans le film, c'est brodé, et c'est absent de la nouvelle, en fait. Ouais. Mis à part certains phénomènes qui sont les mêmes dans la nouvelle et dans le film, par exemple les tableaux, typiquement, mais c'est assez peu, et puis à lire, ça serait pas passionnant. Au niveau audio, en extrait, ça serait pas passionnant non plus. Alors ce qui est... en fait c'est un travail d'adaptation, j'y songe, assez atypique, parce que quand une nouvelle de King est adaptée, il y a à peu près deux cas de figure. Vu que c'est des textes courts, soit ça va faire traîner en longueur, bah c'est ce qu'on a vu avec Les Démons du Maïs, où tout dure une plombe, parce qu'on a 30 pages à adapter en 1h30, soit la nouvelle va finalement servir juste de base de départ, de concept de départ, on va reprendre le principe, mais après toute l'histoire qui va être brodée autour est plus ou moins inédite. Ça par exemple c'est le cas dans The Mangler, qu'on verra plus tard. Et finalement, on a assez peu ce cas de figure-là où le film rajoute des trucs, bien entendu, mais rajoute des trucs en restant toujours dans le cadre de la nouvelle. Ça sort jamais des limites du début, du milieu et de la fin telles que fixées par la nouvelle. Oui. Ça a juste rajouté une dimension complètement différente et transformé à un petit moment purement horrifique, un peu Lovecraftien, d'urban horror en fait, en de film d'horreur dramatique. Oui. Tout en restant très proche jusqu'au moment où il entre dans la chambre, en fait. C'est ça. Et du coup, ça redevient fidèle au moment où il en sort et où il fait la supplication. Ne rentrez pas dans cette chambre est démoniaque. Oui, auprès de celui qui vient le sauver des flammes, voilà. Un voisin de chambre. Dans la nouvelle, c'est un voisin, c'est le voisin de la chambre d'à côté, et c'est un pompier dans le film. Ouais. C'est la seule différence, mais sinon le texte est le même, et dans le fond, ça reste exactement la même scène. Oui, c'est exactement la même idée. Voilà. Mais voilà, donc très très bonne adaptation de ce passage-là, de ce dernier, du passage vraiment du côté obscur, de l'autre côté du miroir, on pourrait dire, presque. Et du coup, une grosse différence aussi, c'est que dans la nouvelle, c'est la dernière fois où on voit Olin. Oui. Il ne réapparaît plus après. Oui. Alors que dans le film, alors, il est dans la director cut, dans la fin de la director cut, mais quoi qu'il en soit, on le revoit au moment où Mike sort, puisqu'on le voit en train de se délecter d'un verre de whisky, probablement, en se réjouissant en fait de la victoire d'Olin sur la chambre. Oui, c'est ça, il est content que quelqu'un enfin ait réussi à vaincre la chambre. C'est un Olin beaucoup plus combattant finalement qu'on a dans le film, et c'est peut-être ce qui donne autant de panache à la discussion et autant de force, alors qu'il marche très très bien dans le livre, hein, parce que Dans le livre, ça insiste aussi beaucoup plus sur les différentes horreurs qu'a créé la chambre. Là, le panache vient du fait que Olin, c'est un combattant, il aurait envie de pouvoir se battre contre la chambre, on le sent, mais il peut pas retenir Mike, et finalement c'est un personnage, enfin il est dans la frustration, tout en étant très fort. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, en apparaissant que 10 minutes, Samuel Jackson mérite largement sa place sur l'affiche. Oui, carrément. Moi, c'est tout ce que j'ai à en dire, et je pense qu'on va pouvoir passer au classement. Et bah, passons au classement. C'est parti. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec le classement des écrits. Nous avons en tête Cimetière, La Tour Sombre, Salem, Carrie, Le Fléau, et nous terminons en sixième position avec Les Enfants du Maïs. 1408 étant une nouvelle, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, les nouvelles c'est compliqué à classer, ça sera dur d'être au-dessus d'un plus gros roman qui amène plus de développement, que ce soit au niveau de l'intrigue des personnages. 1408, quoi qu'il en soit, ça sera au-dessus des Enfants du Maïs pour moi. Mais du coup, même si bah, Le Fléau, le tome 2, on est d'accord que c'est pas terrible, reste que le tome 1 est quand même pas dégueulasse à lire. Ouais. Donc pour moi, 1408, c'est quand même au-dessus des Enfants du Maïs, mais en dessous du Fléau, donc la nouvelle 6ème position, et les Enfants du Maïs prendraient la 7ème. Je sais pas ce que tu en penses. Alors je suis pas d'accord, ça va être notre premier désaccord, parce que moi, je l'aurais mis en 4ème, donc entre Salem et Carrie. Parce qu'effectivement, c'est moins ambitieux que Le Fléau, et dans une certaine mesure, même moins ambitieux que Carrie, mais c'est beaucoup plus efficace que les deux. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas juste une bonne nouvelle de King, c'est une excellente nouvelle de King. D'accord. C'est court, ça n'a pas de développement de personnage, mais ça n'a pas prétention à en avoir. C'est ultra efficace, je trouve ça ultra intelligent dans l'écriture, dans la décomposition entre la longue discussion qui permet de développer l'histoire de la chambre, puis le côté très elliptique de la suite. Donc pour moi, même si c'est court, c'est une sorte de modèle de nouvelle de King. Donc pour moi, 4ème position. Donc, j'aurais quand même du mal à le mettre au-dessus de Carrie. Au-dessus du Fléau, je veux bien. Au-dessus de Carrie, j'ai quand même un peu plus de mal. Oui, je veux bien comprendre pourquoi. À la limite, ok, on coupe la poire en deux, on le met en 5ème. D'accord. Au-dessus, entre Carrie et le Fléau. Ouais. Ça me va. Donc ça, on l'avait dit, hein, de toute façon, que le Fléau risquait d'être dépassé par d'autres, par des nouvelles particulièrement voilà. Efficaces. Et je trouve que là, ça mérite de l'être. Du coup, 1408, 5ème, le Fléau gagne la 6ème position, et les Enfants du Maïs restent bon dernier en 7ème position. Et pourtant, c'est toujours pas mauvais, hein, les Enfants du Maïs, la nouvelle. Est-ce que tu veux nous rappeler le classement des films ? Oui, alors du côté des films, en premier on a Carrie de Brian De Palma, en deuxième Cimetière de Marie Lambert, puis Salem de Michael Salomon, La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, Les Démons du Maïs de Donald P. Borchers et Le Fléau de Mick Garris. Et où placerais-tu la chambre 1408 dans tout ce petit monde ? Moi, sans trop d'hésitation, deuxième. Bah écoute, parce que j'ai quand même une grosse tendresse pour Carrie qui fait que 1408 va pas aller au-dessus, mais ça reste un excellent film. Pour moi, il n'a vraiment pas à rougir face à Carrie. Et clairement, je le trouve mieux que Cimetière, déjà parce qu'il est plus, il y a eu plus de travail d'adaptation pour, avec tout cet aspect émotionnel rajouté. Comme je l'ai dit, fallait le faire, fallait avoir l'idée. Et puis, au niveau réalisation, au niveau jeu, il y a beaucoup plus de trucs, je trouve. Bah écoute, moi, c'est une place qui me convient parfaitement. Donc voilà. J'adore la chambre 1408 et clairement, je préférerais revoir la chambre 1408 que Cimetière. Ah oui, moi aussi, carrément. Oui. Et j'ai pris du coup plus de plaisir à revoir la chambre 1408 que revoir Cimetière de Marie Lambert. Bah, c'est juste la deuxième fois, finalement, sur tout ce qu'on a vu, que le film apporte quelque chose d'autre par rapport à la nouvelle. Comparé à Carrie, je dirais pas forcément. Dans Carrie, je disais que le film, pour moi, est supérieur à la nouvelle. Là, c'est pas forcément le cas, c'est très différent. Mais clairement, le film est égal et rajoute énormément de choses niveau qualité par rapport à la nouvelle. Voilà. Du coup, 1408 en deuxième position maintenant, qui décale bah, tous les autres forcément. Cimetière en troisième, Salem en quatrième, cinquième La Tour Sombre, sixième Les Démons du Maïs, et bon dernier, Le Fléau en septième position. Rappelons-le, Le Fléau est préféré par beaucoup de personnes. Par Allociné, entre autres. Voilà. Bon, bah voilà, bah je pense qu'on en a terminé avec 1408. On se retrouve dans 15 jours pour... On se retrouve dans 15 jours pour Un Couple Modèle. Ça, c'est le nom du film. Ça, c'est le nom du film. Et Bon Ménage, le nom de la longue nouvelle. C'est ça. Ce sera aussi l'occasion de piocher les prochains films. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Vous savez que vous pouvez nous retrouver donc sur Discord, il y aura le lien dans la description, sur Twitter. Cinéma Archiviste, pour toi, Au Gré des Bulles, pour moi-même, mais vous pouvez également nous retrouver dans d'autres podcasts. Donc, Casse sur Table et La Guerre des Clapes, le premier parle de comics, manga et BD, le deuxième, deux films de manière plus large, on aborde un film par épisode maintenant. Voilà, dernier... nous sommes revenus avec une nouvelle formule et le premier film que nous abordons de cette nouvelle formule est A Ghost Story. Et le prochain sera Les Frissons de l'Angoisse de Dario Argento. C'est ça. Et vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne L'Archiviste du Cinéma. Je parle de cinéma principalement asiatique. Il y aura peut-être une vidéo qui ressortira un jour si j'ai la motivation. Voilà. Et quant à cette émission, vous pouvez la retrouver dans 15 jours. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi. Exactement. À mettre des bons avis. Et souvenez-vous que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.